Être de malheur, me veux-tu, pénitence? Toi, être de mon cœur, je m'endors et j'y pense. De la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur. Je ne perçois que le fond, et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à moi, ni à moi. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à moi, ni à mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à mon cœur, ni à moi ne pense. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à moi ni à. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à mon cœur ni à moi ne pense. De la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur, je ne perçois que le fond. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à mon cœur ni à moi ne pense. Et ce fond de folie forcené m'enchaîne. Pensée de la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur, je ne perçois que le fond. Et ce fond, c'est toi, être d'infortune qui ni à mon cœur ni à moi ne pense. Et ce fond de folie forcené m'enchaîne dans des pensées sur ton être reclus par mon âme qui sillonne les mers contingent de ta beauté. De la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur, je ne perçois que le fond, et ce fond c'est toi, toi être d'infortune qui ni à mon cœur ni à moi ne pense. Et ce fond de folie forcené m'enchaîne dans des tourbillons de pensées sur ton être reclus. Sur ton être reclus par mon âme, celle même qui sillonne les mers, contingent de ta beauté. Un roseau se balance au vent, des reflets roux dansent sur lui, vont en avant. Mon cœur lui s'émerveille, un clin d'œil me suffirait, ma merveille. J'en ramasse un rameau, puis doucement m'en vais sur un chameau. J'en ramasse un rameau et m'envole en chameau. Non, je ne pars pas, mais je t'aime. Non, je ne pars pas, je t'aime. L'amour me traverse comme l'électricité, un caténaire. Caténaire, fil d'alimentation électrique pour train ou autre, et non, car le caténaire n'est pas le fil. Non, non, non. Le caténaire, c'est le poteau. Allez, on dit salut au poteau, salut au poteau, salut au poteau. Mon cœur prend une plume de glace, s'envole quand nos regards s'entrelacent. Je voudrais gagner le tien, avoir ta confiance entre liens d'amour et d'amitié. Confus les sentiments, unirait nos vies au fil de ces courants qu'anime la mer, l'amour est mon enfer. Qu'anime la mer, l'amour est mon enfer. Qu'anime la mer, l'amour est mon enfer. Qu'écrivons-nous? Toujours au début, ça revient à chaque fois, à chaque rencontre, quand deux regards se croisent. Et toujours le papier se remplit de nouvelles histoires, se dessine jusqu'à remplir la page. Jusqu'à remplir des pages qui se tournent pour pouvoir en écrire de nouvelles. Et des livres, on en a des milliers. On s'écrit dans nos livres d'amis ou d'être aimés.